Je me pose sur un son, j'écris mes désirs d'évasion. J'ai besoin d'aller ailleurs, je veux de nouvelles sensations. Partir d'ici me tient à cœur, car ici je tourne en rond. Je maltraite mon baladeur, je sillonne les environs. J'aimerais être Aladdin, avoir une lampe merveilleuse. Mais je comprends tous les matins que mes rêves sont en veilleuse. Je veux, j'ai changé des corps et garder les personnages. Je suis prêt à faire des efforts et à esquiver les dommages. Mais est-ce que j'aurai la force? Ça j'en suis vraiment pas sûr. Le changement m'ouvre sa porte, mais moi je n'ai pas vu. Je m'imagine un autre monde où ça ne sent pas le roussi. J'imagine un autre monde sans le poids de mes soucis. Je ne sais pas si ça existe, mais laisse-moi y croire. Car si mes rêves se désistent, ce sera la fin de l'histoire. Vivre ses rêves pour ne pas rêver de vivre. Si je suis assis, moi je me lève, je vais pouvoir dire que je suis libre. Vivre ses rêves dans un autre monde. Vivre ses rêves s'envoler comme la colombe. Vivre ses rêves même s'il faut rester dans l'ombre. Vivre ses rêves loin d'ici, loin de ce monde. Vivre ses rêves dans un autre monde. Vivre ses rêves s'envoler comme la colombe. Vivre ses rêves. Vivre ses rêves. Après la pluie et le beau temps, c'est ce qui est normalement prévu. Pour moi j'aimerais en dire autant, mais personne ne m'avait prévenu que la vie est un cauchemar où tu rêves de tes rêves. Et où les jeunes se couchent tard de la galère sur les élèves. Y'a plus aucune forme d'espoir, personne ne sait qui croire. Et les mentalités se troublent, alors le monde broie du noir. Pas moins de 10 ans en arrière, tout était beau, tout était bleu. Pas besoin de lever la tête la nuit pour voir les étoiles dans nos yeux. Et la jeunesse te voit la face comme si t'allais à un braquage. Puis te fait voir les choses en face quand la vie se met en mode taclage. Moi j'ai pas attendu pack pour trouver qui. Un truc qui cloche. Sérieux, faut pas avoir le bac pour savoir que la vie est courte. Donc vas-y, prends les devants. Vois les choses en grand comme un infarct à un obèse. Il te faut aller de l'avant. Les rêves sont le moteur d'une vie. Tu te dois de les exécuter. Quoi que ce soit, suis ton envie. C'est ce qui te permet d'exister. Vivre ses rêves dans un autre monde. Vivre ses rêves s'envoler comme la colombe. Vivre ses rêves même s'il faut rester dans l'ombre. Vivre ses rêves loin d'ici, loin de ce monde. Vivre ses rêves dans un autre monde. Vivre ses rêves, s'envoler comme la colombe. Vivre ses rêves, vivre ses rêves. Je veux vivre mes rêves dans un autre monde. Je veux vivre mes rêves, m'envoler comme la colombe. Je veux vivre mes rêves, loin d'ici, loin de ce monde. Je veux vivre mes rêves. Je veux vivre mes rêves. Maslow, Toninho, Guillermo.